On va parler de Saint-Luigi de Milo. On sait que le nouvel hebdo nous apprenait au cours des dernières heures que Milo en Rodéo, qui était un très très beau festival, un festival vraiment très très qui attirait beaucoup de monde à Saint-Luigi de Milo, ben, ne sera pas de retour l'an prochain. Et malheureusement, ben, apparemment que le COVID a eu raison de Milo en Rodéo. Quoi qu'il en soit, on va parler avec une des responsables au fil des années, Chantal Arnaud. Salut Chantal! Salut Danny. Effectivement, donc Milo en rodéo ne sera plus de retour. C'est vraiment triste comme situation parce que c'était probablement un très très beau festival à Saint-Luigi de Milo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, comme tu l'as dit là, d'entrée de jeu, là, c'est sûr que la COVID n'a pas donné de chance. Puis même encore cette année, même si le gouvernement avait comme un peu ouvert la porte à des rassemblements, mais il fallait qu'on sépare les gens. Tu sais, puis la dernière année du Milo en Rodéo, là, il faut dire qu'on avait fait une vente de billets d'avance pour permettre les entrées gratuites parce que justement, tu as vu le site, ceux qui l'ont vu, tu sais, ça rentrait de partout, c'était compliqué à gérer. Donc, on s'est dit, on va vendre des billets, on va laisser les entrées, les gens, ils vont rentrer, puis ça coûtera rien, ils vont avoir comme, on va avoir contribué à ça. Ça avait très, très bien fonctionné. Mais là, avec cette année, le gouvernement, comme il ouvrait la porte, il fallait laisser rentrer le monde, il fallait les compter, il fallait les laisser, il fallait que ça s'assise dans les estrades par tranche de 250. Fait que, tu sais, on revenait encore à notre problème qu'on avait pensé régler, puis on revenait encore à dire, ben là, il va falloir encore compter le monde, là, ça rentre de partout. On a un beau site, mais on a le côté négatif que on est entouré de bois. Fait que les gens, ils passaient d'un petit chemin de bois, puis ils rentraient, on s'appelait. Fait que là, puis le comité, le conseil d'administration, il y en avait qui étaient comme un peu démotivés, pas un peu, pas mal démotivés. Moi, ben, j'étais là en support en dernier par la municipalité, mais je pouvais pas tout faire non plus, là, puis je voulais pas tout faire non plus. J'avais débarqué justement parce que c'est à un moment donné, là, c'est tu sais, vu de l'extérieur, le rodéo, là, c'est bien le fun, là, c'est 4 jours, puis c'est un super beau, puis on a eu des beaux commentaires, mais ça reste que c'est on recommençait, on finissait le rodéo à fin août, puis en octobre, on recommençait, là. Après ça, une autre problématique qui nous est arrivée aussi, c'est que où on louait les tables, les chaises pour le chapiteau, ben là, lui, il a tout vendu son stock. Là, on avait comme plus d'endroit pour se stocker les gens. Puis même le Gymkhana, je te dirais que je pense qu'eux autres aussi, là, tu sais, c'est beaucoup moins. Je pense que c'est un peu moins populaire de par probablement qu'il y a moins de monde qui en font. Bon, fait que c'est tout pour ces raisons-là que bon, avec un accord de la municipalité, du conseil municipal, bien entendu, il a été. On a essayé, il y a eu des annonces. T'sais. Il y avait des gens qui étaient prêts à nous aider la fin de semaine même, mais c'est plus que ça, là, le rodéo, là. C'est une réunion minimum par mois. Puis dans les derniers mois, Par là, c'est semaine. quasiment une réunion par semaine. Puis c'est beaucoup, beaucoup d'organisation, puis c'est beaucoup de demandes, là. En fait, c'est peut-être la Fait manque de que relève, en fait, c'est tout ça. le manque de relève, oui, puis la COVID, parce que la COVID, là, on va se le dire, c'est pas terminé encore, là. L'année prochaine, il va y avoir encore des restrictions. On s'attend pas à s'en sortir si vite que ça. Puis oui, le manque de relève, puis le manque de relève vraiment qui veulent s'impliquer, pas le manque de relève la fin de semaine. Ça, la fin de semaine, on avait tout le temps. On n'avait pas trop de misère à avoir des gens. Mais les gens pour être sur le comité, ben c'était plus dur à avoir, là, puis il restait 2, là, tu sais, 3 avec moi, puis moi, ben tu sais, je voulais comme oui, là, depuis dans les 13 ans du rodéo, là, Danny, j'ai été 10 ans 11 ans sur le comité, puis là-dessus, j'ai été 8 ans présidente. Puis Fait il y a une que je année que pense t'as que pris ma ça en part est possible. catastrophe, là, t'as pris ça en catastrophe Ben, parce que justement, on oui, connaît c'est ça, l'histoire, là. tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que là, à un moment donné, ben Moi aussi, là, j'aimerais ça le vivre, le rodéo, sans être comme une bon, on va dire, excuse-moi l'expression, mais comme une poule pas de tête, parce que c'était ça, là, la fin de semaine. On se couchait le dimanche soir, là. Il n'y avait plus de son, plus d'image, là. Des fois, je n'étais même pas capable de souper, là. Tu sais, c'était jusqu'à 3 heures du matin. Ça recommençait à 7 heures. On s'en relevait. Fait que, tu sais, c'est correct, on l'a fait, mais on vieillit comme tout le monde. Est-ce qu'il y a des chances que ça revienne? Éventuellement, est-ce qu'il y a des chances que ça revienne? Je ne penserais pas. Non? OK. OK. Fait que, non, parce que là, c'est quand même fermer la charte. Tout ça, c'est quand même des coûts. Ensuite, vous allez. C'est ça, je pense pas. Il va y avoir d'autres choses. Il y a quand même de l'argent qui. Ça allait bien. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous allez distribuer ça aux jeunes? Vous allez distribuer ça probablement à des organismes de Saint-Louis-du-Milieu? Non, ben non. L'argent, là, on va faire les comptes, on va faire les états financiers. Mais là, pour. Tu sais qu'on avait des spectacles de réservés en 2020. Avec la COVID, ben, on avait remis en 2021. Puis là, en 2021, ben, avant de prendre une décision, on avait comme remis en 2022. Mais là, en cancellant, ben, il faut les payer quand même, là. Okay. On a 50% des montants des artistes. Fait que là, de l'argent avec la dernière année qu'on avait quand même laissé les entrées, il en restera pas tant que ça. Puis après ça, ben, on avait les estrades qu'on devait encore une partie à la municipalité. Fait que là, tu sais, un coup qu'on va avoir payé nos dettes, comme on dit, je penserais pas que ça reste là, qu'il en reste beaucoup. Là. Donc, c'est vraiment triste, c'est vraiment intéressant. Oui, s'il en reste, ce sera regardé là, pour... S'il en reste, ça sera regardé justement pour le redistribuer là, dans la communauté. Okay. Ça, c'est certain. Puisque j'étais, la dernière fois qu'on s'est parlé, il y avait une belle annonce à Saint-Louis-du-Milo. C'était les Pump Tracks. C'était un genre de. C'était la première fois au Saint-Lac-Saint-Jean. Vous avez eu cet été. Comment ça a été? Est-ce que les jeunes ont apprécié vraiment l'expérience? Les enfants, les jeunes, ils ont passé l'été là. On a fait le 7 août, j'ai fait l'inauguration officielle. Les jeunes avaient même préparé un mot de remerciement au conseil municipal, de les impliquer dans leur vision de la municipalité, puis que en disant que même la piste Pump Track était le lieu de rassemblement. Puis c'est vrai, les enfants étaient là, tu passais là à 8 heures le matin, il y avait des gens dans des halls. Puis, écoute, si tu as un petit 2 minutes, là, je voudrais même te conter quelque chose. Tu sais qu'on a des chalets de location ici, hein? Puis moi, j'ai un de mes garçons qui reste dans Beauce, puis c'est un amateur de pump track puis de skate park. Puis Stacy est allé faire de la pump track dans la Beauce, puis il y a un gars qui voit régulièrement là, puis il jase un peu, puis le gars, il dit, je suis allé en vacances, il dit, il y a une petite municipalité au lac Saint-Jean. Il dit, ils ont un maudit beau pump track. Il dit, fait que Stacy, il dit, ça serait-tu Saint-Léger-de-Milo? Fait que là, le gars, oui, tu connais ça? Oui, je viens de là, puis c'est ma mère qui l'a initié. Bon, fait que, pareil, hein? C'est une petite anecdote qui fait que, pour te montrer que à quel point, écoute, les gens, là, ils arrivaient des trailers avec des vélos dedans, des enfants. Oui, oui, on a eu du monde, là, durant les vacances de construction, là. Il n'y avait pas une journée qui n'avait pas au moins une à deux familles de l'extérieur. Hein, c'est bon, ça. C'était là, écoute, ça a été tout l'été comme ça. Ça a été là un succès, puis le monde, ils ont trouvé ça beau. Les gens, ils venaient, ils aimaient ça. C'était, non, non, vraiment, là, ça a été... puis c'est pas fini parce que ils en font encore. Là, il fait juste trop froid un peu là pour eux autres, là. Mais écoute, les jeunes sont là-dedans. On est rendu au 15 novembre, donc c'est vraiment, c'est déjà très beau. Oui, c'est ça. C'est vraiment, vraiment là, ça, ce projet-là, c'est tout un plus là, pour notre municipalité. Ben Chantal, merci beaucoup de l'entrevue, très intéressant. Puis dès qu'il se passe de quoi à Saint-Louis-du-Milo, ben, je ne sais pas, on est là pour ça. Parfait, merci beaucoup, Dani. Chantal Arnold, qui est la responsable des loisirs pour la municipalité de Saint-Louis-du-Milo.